franceinter.fr. Merci Dominique Delarroy, on vous retrouve à 16h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pompidou en mai, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Laurent Martin, réalisée par Sophie Haute-Picon. En dehors du fait que la France s'ennuie au début de l'année 68 en référence à la fameuse phrase de Pierre Vianchon pontée dans Le Monde, personne ne peut prévoir ce qui va se passer quelques mois plus tard. Personne n'imagine que la fin de règne du général de Gaulle est en marche. Georges Pompidou dirige alors son quatrième gouvernement. Il est Premier ministre depuis avril 1962. Il sait que sa majorité commence à se diviser et que l'opposition serre les rangs. Mais ce n'est pas une fronde parlementaire qui va le faire vaciller et faire trembler le régime, non. Non, c'est un soulèvement populaire, une immense catharsis sociale et générationnelle qui va s'en charger et que personne n'avait prévu. Tout commence durant les premiers mois de l'année 1968 par des manifestations estudiantines qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Mais en dépit de cette situation, la classe politique et les Français ne semblent pas particulièrement émus par les cris venus des universités. Pour sa part, Georges Pompidou est encore très populaire. Mais rapidement, la situation dégénère. Une première nuit d'émeute éclate dans le quartier latin durant la nuit du 3 au 4 mai. La réplique, relativement ferme de la police et de la justice, va amplifier le mécontentement et provoquer la fermeture de la Sorbonne. Si les syndicats et les hommes politiques de gauche sont encore sur la réserve, les Parisiens soutiennent plutôt les jeunes insurgés. Alors qu'il est en voyage en Afghanistan, le 10 mai, Georges Pompidou apprend que la situation s'aggrave. Et son directeur de cabinet, Michel Jobert, l'invite à rentrer rapidement. Dès son retour, Georges Pompidou va s'opposer au général de Gaulle qui demande de la fermeté avant tout, le contraire de la conciliation. Georges Pompidou, lui, fait rouvrir la Sorbonne et s'engage dans des discussions avec les syndicats, mais rien n'y fait. Le 13 mai, un flot humain se déverse dans Paris, une grande manifestation qui réunit pour la première fois les étudiants, les syndicats et toute la gauche. Les usines commencent alors à débrayer. Lentement, les paralysies et la grève générale s'installent. Pour Georges Pompidou, la situation devient explosive. D'autant qu'au Parlement, il échappe de justesse le 22 mai à une motion de censure de la gauche, soutenue par les libéraux et certains gaullistes. Le chef de l'État, le général de Gaulle, laisse percer sa mauvaise humeur. Georges Pompidou doute. C'est alors qu'a lieu l'un des épisodes les plus étranges de la Ve République, le général de Gaulle se volatilise. Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité et le parcours politique de Georges Pompidou, nous recevrons après la fiction Alain Pompidou, le fils de l'ancien président de la République et de son épouse, témoin direct, ès qualité, de ses instants vécus avec Georges et Claude Pompidou à Matignon ce 29 mai 1968. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pompidou en mai, de Laurent Martin. Mercredi 29 mai 1968, bureau de Georges Pompidou à Matignon, 9h30. Jusqu'au renversement du régime et à la création d'un système socialiste en France. Pierre. Syndicats... Bonjour Georges, j'ai entendu la radio. Tu vas bien? J'ai mal dormi. Tu n'es pas rentré chez toi? Non, j'ai dormi ici. Et compte tenu de la situation, je coucherai quelque temps à Matignon. Et qu'est-ce qu'on a? Une note de la DST. Cohn-Bendit est revenu en France. Déjà? Comment a-t-il fait? Il s'est teint les cheveux, personne ne l'a reconnu, il s'est caché dans le coffre d'une voiture. Oh, c'est très malin. Oui? Bonjour, Juliet. Bonjour, Jobert, ça va? Oui, non. Le Conseil des ministres est annulé. Comment ça? J'allais justement me rendre à l'Élysée. Il est reporté, sans doute à demain. Le président part pour Colombey. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Aucune idée. Merci, Jobert. C'est vraiment pas le moment. Passez-moi à l'Élysée, s'il vous plaît. Oui, le président. J'attends. On n'annule pas un Conseil des ministres une heure avant qu'il ne commence. C'est de Gaulle. Surtout pour aller prendre l'air. Oui? Oui, je prends. Oui. Bonjour, mon général. Non, je ne comprends pas. Oui. Certainement. J'insiste, ce départ m'inquiète. Demain, oui, absolument. Oui? Oui. Merci, mon général. Alors ? Il a besoin de 24 heures de solitude et de campagne. Vraiment ? C'est ce qu'il a dit. Tu es bizarre. Que se passe-t-il ? Il m'a dit qu'il était vieux, que j'étais jeune, que j'étais l'avenir. Il n'a pas tort. Il a raccroché en disant « Au revoir, je vous embrasse ». Étrange. N'est-ce pas ? Je vous embrasse. Tu imagines le général m'embrasser, même métaphoriquement ? Oui, Jobert ? Les ministres qui étaient déjà arrivés rentrent chez eux. Le général va quitter l'Élysée avec son épouse dans les minutes qui viennent. Oui, je sais, je viens de lui parler. J'ai eu Focard. Lui ne sait rien. Il a croisé Boissieu ce matin. En insistant un peu, Focard a appris que le général partait sans rien dire à personne, juste avec sa famille. Si Focard n'est pas au courant, personne ne l'est. D'après lui, Boissieu avait l'air inquiet. Qu'est-ce que vous en pensez ? De Gaulle est à côté de la plaque. Son analyse du désordre est trop vague et ses discours n'ont plus aucun effet. Pour répondre aux doutes d'une France qui gronde et s'agite, il est juste capable de proposer un référendum sans intérêt sur la participation. On réclame de plus en plus sa démission. De Gaulle nous fait une crise. La tentation du départ le reprend. Ce n'est pas le moment. Le prestige du général reste un élément essentiel du pouvoir. On ne peut pas se permettre une vacance. Je n'arrive pas à faire valider les accords de Grenelle. La CGT ne contrôle plus ses troupes. Le pays est fatigué du désordre. J'ai besoin de lui. La majorité des Français comprend votre action. Les Français, peut-être, mais pas le Parlement. Je n'ai toujours pas digéré la motion de censure du 22 mai. La petite trahison de nos amis libéraux risque de se renouveler. Sans De Gaulle, d'autres vont me lâcher. Je les vois déjà venir renifler mon cadavre. Il faudrait une dissolution pour remettre tout à plat. Si De Gaulle part, le président du Sénat assurera l'intérim. Monnerville ne dissoudra pas l'Assemblée. Monnerville me déteste. Il ne fera rien pour m'aider. Légalement, il ne peut pas faire grand-chose. Il appellera Mendès France, j'en suis sûr. Il tentera de me faire remplacer. Même Mitterrand veut Mendès. Et que fera Mendès, selon vous, Jobert ? Je n'en sais vraiment rien. Même si j'ai travaillé pour lui, je suis incapable de savoir ce qu'il fera. La situation est inhabituelle. Je ne suis pas certain qu'il acceptera. Il faut trouver une solution. Il faut sonder les parlementaires. Le Parlement ne sert plus à rien. Les ministres ne servent plus à rien. Le parti ne sert plus à rien. Même le général, s'il se cache, ne sert plus à rien. Le régime est menacé, je vous assure. Tout ne repose plus que sur moi. J'en ai bien peur. Vous voulez que j'annule le repas de midi ? Pourquoi annuler le déjeuner de fiançailles de mon fils ? Non, non, je serai présent. Mercredi 29 mai 1968. Bureau de Pierre Juillet à Matignon. 13h. Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? J'allais passer à table. Focard veut te dire deux mots. Bonjour, Georges. Bonjour, Focard. J'ai reçu un coup de téléphone inquiétant de Boissieu. Je suis venu aussitôt. De Gaulle n'est pas à Colombey. Il est où ? Personne ne le sait. Tu me dis que personne ne sait réellement où se trouve le président de la République pendant que le pays sombre dans le chaos ? C'est exact. Je vois. Heureusement pour l'État que l'idée de partir en vacances ne m'est pas non plus venue au petit déjeuner. Pierre, s'il te plaît, appelle Mesmer. Il doit savoir quelque chose. Si le ministre de la Défense ne sait rien, on peut craindre le pire. Oui. Je ne comprends pas. Moi non plus. Ce matin, je l'ai trouvé étrange. J'imaginais une crise de confiance, mais de là à penser qu'il allait partir et disparaître sans rien dire... Il n'a pas disparu. Personne ne sait où il est. Quelle est la différence ? Tu as raison. Dis-moi la vérité, Focard. Il te raconte tout. Qu'est-ce qu'il fait, le général ? Aucune idée. Je t'assure. Je sais qu'il avait l'air fatigué, qu'il voulait se reposer un jour ou deux. C'est un vieil homme, ne l'oublie pas. Il faut combien de temps pour arriver à Colombey ? Pas plus de 2 heures en hélicoptère. Il aurait dû y être avant midi. Il a donc changé de destination. Pour où ? Pas de plan de vol déposé ? Jamais. C'est un engin militaire. Je sais juste qu'il est parti d'ici les Moulineaux avec sa suite. Confirmé ? Oui. J'informe le Premier ministre et il était en courant. C'est vrai que le président a disparu ? Les nouvelles vont vite, Jobert. Oui, c'est vrai. Messieurs, je viens de parler à Mesmer. Morin, le chef d'état-major, vient de lui apprendre que l'hélicoptère présidentiel avait disparu. Il a fait le plein à Saint-Dizier, mais il ne s'est pas posé à Colombey. Vol en bas, il a été perdu par les radars. Un accident, mon Dieu, mais ce serait terrible. En effet, on ne panique pas. Pour le moment, il n'a été perdu que par les radars. Et par le gouvernement. Je suis d'accord, on ne panique pas. Jobert, vous vous renseignez. On doit tout faire pour retrouver la trace du général, au plus vite. Mettez la pression sur Mesmer, il n'a peut-être pas tout dit. Tout de suite. On prévient qui ? On ne prévient personne, Pierre. Quelqu'un a une cigarette ? Des gitanes. Oui, ça ira. Dès que le pays va apprendre la nouvelle du départ et de la disparition du général, ça va être terrible à gérer. L'important, c'est la continuité du pouvoir. Juillet a raison. Il faut montrer qu'il y a toujours quelqu'un à la tête de l'État. Toi, Georges. Moi, bien sûr. Qui d'autre ? J'appelle son veille. Je retourne à l'Élysée pour préparer le terrain. Qu'est-ce que tu entends par préparer le terrain, Focard ? C'est Pierre. Je dois en parler à certaines personnes. Georges a besoin de toi. Il faut envisager le pire, tu comprends ? Oui. C'est encore moi. L'AFP vient de téléphoner. Ils veulent savoir ce que l'on sait de la disparition du général. Déjà ? Parfois, j'ai l'impression que les journalistes sont plus au courant que nous des affaires secrètes de l'État. Lorsque l'information parviendra aux rédactions, la panique va s'ajouter au désordre. Georges, il faut que tu prennes la main fermement. Comment ? En t'imposant comme le capitaine naturel d'un pays à la dérive. J'ai déjà du mal à m'imposer auprès des barons du parti et de nos amis. Tu as vu comme les couloirs sont déserts en ce moment ? J'ai l'impression qu'on me fuit. Il faut forcer le destin. Sers-toi du peuple, puisque les élus te font défaut. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai peut-être une solution. On t'écoute, Focard. Ce qui est certain, c'est que Juillet a raison. Je ne vois que toi pour éviter que les socialo-communistes ne profitent de la situation. Ils en profitent déjà. La CGT a appelé à manifester. Ce n'est pas contre le Premier ministre, c'est contre De Gaulle. Tu sais que nous sommes prêts. La grande manifestation du 13 mai que nous avons annulée, nous pouvons la réactiver rapidement. Ça doit être son veille. Oui ? Je vous interromps ? Non, au contraire. C'est confirmé ? Oui. Le général est à l'heure actuelle introuvable. On cherche une solution. Bon, je vous laisse. Je retourne à mon bureau. Mes secrétaires doivent devenir folles. Continue, Focard. J'évoquais la manifestation du 13. Ah oui. On peut réactiver nos réseaux et notre organisation pour une manifestation populaire de grande ampleur. Ce qui est certain, c'est que depuis 15 jours, le pays ne travaille plus. L'inquiétude monte. Et nous avons la population avec nous. Pas toutes. Il y a quand même une grève générale. Ne crois pas ça. Les gens en ont marre. Ils ne tiennent plus. Ils veulent manifester leur légitime colère. Mais comment on fait ? Le pays est bloqué. Il n'y a plus de transport, plus d'essence. On ne contrôle plus les médias. On imprime et on distribue des tracts en urgence. On appelle tout le monde. Nous avons un parti et des militants avec nous. Le point important, c'est que nos amis du service d'action civique sont disponibles pour nous aider. On contrôle encore les ministères. Donnez-moi des transports de l'armée et je vous fais monter des dizaines de milliers de sympathisants en place de la Concorde en 24 heures. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis partagé. D'un côté, on ne peut pas offrir le pouvoir à Mendès France ou à Mitterrand. De l'autre, je donne l'impression de chercher à rester coûte que coûte. Tes doutes t'honorent, mais nous sommes aux affaires et nous avons des responsabilités. Le général est absent. Tu dois le suppléer. C'est un peu l'esprit de la Constitution, non ? L'esprit de la Constitution, c'est qu'on sacrifie le Premier ministre pour sauver le président, Focard, pas l'inverse. La situation est particulière. Tu connais mon attachement au général. Et le mien ? Bon, d'accord. Est-ce que j'appelle Poujade ? Oui, tu peux y aller. On coordonne tout ça. Moi à l'Élysée et son veille à Matignon. On lâche ce qu'on peut lâcher pour calmer les manifestants. On ne fait pas de provocation inutile pour qu'ils nous laissent tranquilles 24 heures. Et on commence à téléphoner à tous nos relais en province. Bien, bien. Allons-y. Je n'aime pas me laisser conduire par les événements. As-tu le choix ? On a toujours le choix. Focard m'inquiète. Il inquiète tout le monde. Il n'y a pas plus fidèle et plus dévoué au général. Et d'un seul coup, il s'est rangé derrière moi, sans résistance. Focard est un pragmatique avant tout. C'est bien pour toi. Sans lui et son veille, je ne peux pas réussir, tu as raison. C'est un tournant. Le général, par son inaction, t'a laissé seul à la manœuvre. Tout peut tourner à ton avantage. Qu'importe ce qui lui est arrivé. Si la manifestation de soutien qu'on organise ne réunit que 5 000 personnes place de la Concorde, On va être ridicule. Hein. Si elle en réunit 10 fois plus, ce sera un succès. Ton succès. Oui, c'est moi. Morin vient d'appeler Mesmer. De Gaulle est retrouvé. Il est à Baden-Baden. Baden-Baden. Que fait De Gaulle en Allemagne? Aucune idée. Je suppose qu'il n'est pas allé y prendre les eaux. Non, mais il y a le quartier général des forces françaises. Jobert, appelez le général Massu. Demandez-lui de confirmer la présence de De Gaulle. Bien. Ce n'était donc pas un accident. Tant mieux. Ou tant pis. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il est déjà arrivé dans les annales de la République que le chef de l'État quitte le territoire national sans que le Premier ministre en soit informé, sans que son proche entourage sache ce qu'il est devenu? Non. Mais ça change tout. Ça ne change rien. Tu te retrouves quand même seul aux commandes de l'État. Oui? C'est moi. C'est confirmé par Massu. Il est bien avec De Gaulle. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le général était fatigué. Parce que je ne le suis pas, moi. Pendant que le général s'enferme dans son palais, pendant que les ministres se cachent, pendant que l'État se disloque, je veille jour et nuit. S'il y a quelqu'un qui doit être fatigué en ce moment, c'est bien moi. De Gaulle pense que tout est foutu, que les communistes paralysent le pays, qu'il ne commande plus rien. Alors il prend la fuite. S'il planque sa femme et ses enfants en Allemagne, ce n'est pas pour rien. Il craint quelque chose, il envisage le pire. Un instant de défaillance? Ou un plan mûrement établi de longue date. Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire? Un exil à l'étranger. C'est sa spécialité, non? On ne va pas comparer la France de 1968 à la France de 1940. Boissieu n'était même pas au courant. Il attendait comme un imbécile son beau-père à Colombey pendant que celui-ci poursuivait sa route. Pourquoi Baden-Baden? Pour s'assurer de la fidélité de l'armée. Personne n'a jamais douté de la fidélité de l'armée. Vous pensez... un coup d'État? Non. L'article 16. Les pleins pouvoirs? Pourquoi pas, Jobert? Un bon discours sur la menace qui pèse sur la France, le soutien silencieux de l'armée, et le tour est joué. Mais croyez-moi, malgré la situation, on ne va pas s'asseoir sur l'état de droit et confier le pouvoir aux militaires. De Gaulle est un militaire. De Gaulle m'emmerde, et aujourd'hui, particulièrement. Alors, prends le pouvoir à ton compte. Il y a un vide politique intolérable. Tu ne dois pas laisser le chaos s'installer, ni ouvrir la porte à ceux qui cherchent à exploiter la situation. Si De Gaulle ne revient pas, il nous faut une porte de sortie. Eh bien, y réfléchir, je pense que De Gaulle va se démettre. J'en suis même certain. Finalement, c'est comme ça que j'interprète ce qu'il m'a dit ce matin. Il y aura donc des élections présidentielles. Mitterrand pense la même chose. Il va annoncer sa candidature. Il faut que tu sois candidat, et très vite. Il faut l'annoncer. Le général est parti, tu te débrouilles. Soigne ton opinion... encourage la manifestation populaire, parle aux députés. Ton heure arrive, Georges. Depuis ce matin, en tout cas, un certain suspense s'est créé, Jean-Claude Turgeman, autour des activités du président de la République, et tout a commencé à 10h ce matin. Plusieurs ministres étaient déjà à l'Élysée pour l'habituel conseil des ministres du mercredi, et puis ce fut la surprise. Le conseil était reporté à demain, jeudi 15. Mercredi 29 mai 1968. Bureau de Georges Pompidou à Matignon. 17h30. Oui. Oui. Massu confirme. Oui. Merci, Jobert. De Gaulle a quitté l'Allemagne il y a une heure. Mais pour où? La France, Colombey. Je ne comprends plus rien. Il s'est offert une petite balade touristique en Allemagne et il revient. De Gaulle revient, mais il a perdu la main. Massu raconte qu'il a regonflé à bloc le général. Massu raconte n'importe quoi. Au mieux, De Gaulle annonce son retrait. Au pire, on le force à le faire. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir son départ. Je ne sais pas. Mais qu'importe ce que fait le général. S'il renonce, tu es là pour reprendre la main. S'il se maintient, tu l'évinces tranquillement, car tu es celui qui a assuré la continuité de l'État pendant sa défaillance. Quoi qu'il arrive, tu sors gagnant. Le parti t'en sera éternellement reconnaissant. Mais Giscard et sa clique... Giscard ne connaît que le rapport de force. Il s'agite parce qu'il te sent fébrile. Si tu es fort, il se soumettra. Oui. Non. Non, pas maintenant. C'était Chalandon. Il veut me parler. Tu vois, c'est le premier à lâcher le général. D'autres vont suivre. Fais-moi confiance. Je ne veux pas virer le général. Je veux éviter l'anarchie au pays. L'un ne va pas sans l'autre. Tu as entendu les derniers slogans ? 10 ans, ça suffit. C'est le peuple qui veut virer de Gaulle, pas toi. Oui. Entre, son veille. Je reviens d'une réunion rue de Lille. Ça monte. De partout, les échos sont positifs. Je l'avais bien dit. Nos gars veulent de l'action. De Gaulle a quitté l'Allemagne. Vraiment ? Oui, il revient. Il faut peut-être stopper tout. On ne peut plus reculer. Même s'il revient, la presse ne parle que de son absence. La province s'agite. La province s'agite depuis longtemps. Je parle de ceux qui nous soutiennent. Ils étaient combien à la manifestation de la CGT ? 200 000 ou 300 000. On attend les chiffres de la préfecture. Mais c'était calme. La CGT ne fait pas de surenchère. Oui ? Jobert. Mendès va parler. J'ai eu son entourage au téléphone. Il va annoncer qu'il ne refusera pas la responsabilité de conduire un gouvernement de mouvement. Je m'en doutais. Faut agir vite. Il peut réussir son coup. Mendès est populaire. Ce sera toi ou lui. Donnez-moi plus de moyens de transport. Et demain, avec Focard, on vous fait monter toute la Normandie, la Bourgogne et la Picardie sur les Champs-Élysées. Son veille a raison. Rien ne vaut le soutien populaire. Que va penser le général ? Il saura que nous avons agi au mieux. D'accord. Tu peux contacter les ministères pour réquisitionner ce que tu veux. Mais je te préviens, si c'est un échec, je me désolidarise. Je ne servirai pas de bouc émissaire. Ne t'en fais pas. Allons-y. J'appelle les journalistes amis et nos relais politiques. Je sens qu'on fait une connerie. Si on force le général à se démettre, il va m'en vouloir à mort. Le général a le sens de l'histoire. Il va comprendre. Et il va te désigner comme son héritier. Et comme tu n'es pas encore impopulaire, tout ira bien. J'espère. J'espère vraiment. Mercredi 29 mai 1968. Bureau de Georges Pompidou à Matignon, 18h. Oui ? Quoi ? Vraiment ? Passez-le-moi. Oui ? Bonsoir, mon général. Comment allez-vous ? Oui ? Oui ? Je comprends. Demain, 15h. Oui ? Bonsoir, mon général. C'était De Gaulle depuis la boisserie. Le Conseil des ministres est convoqué pour demain 15h et il prévoit l'enregistrement d'un message radio diffusé à 16h dans lequel il fera des annonces importantes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il revient. Ça signifie qu'il est sûr de lui. Ça signifie surtout que je me suis fait avoir par un vieux militaire de 78 ans. Il a réussi à créer un vide autour de sa personne. Je m'y suis précipité. Je m'y suis cassé la gueule. Il va te démettre ? Je ne sais pas encore. Le pire, c'est qu'il pourrait me garder. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université. Et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France. Jeudi 30 mai 1968. Bureau de Georges Pompidou à Matignon, 17h. Le discours est un succès. Je sais, Pierre. C'est moi qui lui ai imposé les modifications nécessaires. Au moins, il t'a écouté. Plus pour longtemps, je pense. Oui ? La manifestation. Combien, Jobert ? 50 000 ? Plus que ça. Pour le moment, ils sont 300 000. Et il en arrive encore de partout. Malraux et d'autres personnalités défilent en tête. Les Champs-Élysées sont à nous. C'est un triomphe. Le discours du général a été un électrochoc. Les gens sont partis hargneux. Ils sont arrivés heureux. Ah. Vous semblez déçu, Georges. Un peu surpris. Focard et son veille ont bien travaillé. Un peu trop bien, même. Tu ne penses pas? Ils ont quand même réussi à me faire organiser une manifestation contre mon gré, avec le soutien et la logistique des ministères, ce que de Gaulle lui-même n'aurait pas pu obtenir. Peut-être, mais c'est une réussite et tout va rentrer dans l'ordre. L'ordre, sans doute. Que faire maintenant? Ne vaut-il pas mieux prendre du champ, laisser de Gaulle terminer seul son règne et capitaliser la confiance que tu as acquise ces derniers mois? Sans votre action, de Gaulle n'aurait pas réussi. Sans le retour de Gaulle, j'aurais eu du mal à redresser la situation. Vous êtes entrés tous les deux en opposition larvée et pourtant, par un étrange paradoxe, vous avez été étroitement complémentaires. J'ai pourtant été quasi seul à la tête de l'État, seul à juger sereinement les choses. Même si je me suis un peu trompé sur les capacités tactiques du général, je ne peux pas accepter la manière dont il m'a traité. Ce départ est une réussite, mais je vais démissionner. Tu as encore deux choses à faire avant. Lesquelles ? Réapprovisionner les pompes à essence pour que les Parisiens puissent partir en week-end et gagner les élections législatives. Et ensuite ? Prends patience. Les Français n'oublieront pas ton rôle. En tout cas, en cette année 68, le mois de mai finit le 30. Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. C'était Pompidou en mai, de Laurent Martin. Avec Jean-Claude Durand, Georges Pompidou. Olivier Cruvelier, Michel Jobert. Jean-François Perrier, Pierre Juillet. Pascal Collin, Jacques Focard. Stéphane Sestac, Pierre Sonveil. Et la voix de Stéphane Otero. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Ariane Herbet. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Revolution, well, you know. me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Alright. Alright. Alright. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pompidou en mai, notre invité, Alain Pompidou, le fils de Georges. Bonjour Alain Pompidou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine de Paris 5, professeur d'histologie, d'embryologie et de cytogénétique. Et puis vous êtes le premier français président de l'Office européen des brevets. Vous avez suivi ensuite une carrière politique en tant que député européen de 1999 à 2009. Je rappelle que vous êtes le fils de Georges Pompidou, l'ancien président de la République, et que vous avez édité aux éditions Robert Laffont une biographie consacrée à votre père. Vous avez écrit aussi un récit sur votre mère, intitulé « Claude, c'était ma mère » aux éditions Flammarion. C'est un récit qui sera publié le 19 octobre. Là, on est à quelques jours. Bien, alors, ce 29 mai 1968, en fin de matinée, vous êtes à Matignon quand votre père apprend que le général de Gaulle décommande le Conseil des ministres et part pour Colombey. En fait, il ne va pas à Colombey, il disparaît. Comment votre père réagit, ne sait pas exactement à ce moment-là, où va le général? Il pense qu'il va à Colombey? Qu'est-ce qu'il dit, votre père? Alors, c'est effectivement une période que j'ai vécue personnellement, dans la mesure où le hasard a voulu que ce 29 mai 1968, j'étais avec ma mère dans ce qu'on appelle le salon privé, qui est contigu du bureau du Premier ministre. Mmh. Et donc nous étions, ma mère et moi, en train de prendre un café, et tout d'un coup, la porte s'ouvre, et mon père arrive, comme d'habitude, la cigarette aux lèvres, mais néanmoins pâle comme la mort. Jamais je ne l'avais vu comme ça, jamais ma mère ne l'avait vu comme ça. Et elle lui dit, écoute, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va mal. Mais quoi? Le général de Gaulle a disparu. Parce que ça allait déjà un peu mal, mais là, c'est encore plus mal. C'est le général de Gaulle qui disparaît. Mais ça allait mal. Ça allait, la situation, il la tenait, il l'avait en main, ouais. Mais et il faisait face. Mais néanmoins, pour lui, la personnalité du général qu'il avait servi depuis 25 ans, c'était la référence. Et tout d'un coup, la référence avait disparu. Mmh. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le général m'a appelé, il m'a dit « Je pars, je quitte l'Élysée, je vous embrasse. » Et alors? Et alors, Mesmer est là avec moi. Et on a perdu la trace de l'hélicoptère du général. L'hélicoptère du général a quitté l'Élysée, on a perdu la trace de l'hélicoptère. Effectivement, ce qu'on a su après, c'est que l'hélicoptère était en rase-motte et que les radars n'arrivaient pas à le localiser. Il n'y avait pas la géolocalisation, les GPS à l'époque. Bien. Et mon père s'est retrouvé seul à la tête du pays avec une véritable difficulté institutionnelle, puisque si les choses duraient plus d'une après-midi, c'est le président du Sénat, le président Gaston Monnerville, à l'époque, qui est d'ailleurs l'adversaire du général de Gaulle. Hein. Oui, c'était un adversaire et de Gaulle, et de Pompidou. Même Monnerville avait considéré que le Premier ministre, il l'avait accusé de forfaiture. Donc, c'était pas un ami. Et Georges Pompidou se retrouve seul. Je ne dis pas qu'il ne savait pas quoi faire, mais véritablement, il considérait que le général de Gaulle lui avait manqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on ne retrouve la trace du général, eh bien, il y a différentes thèses. On a dit que c'est une manœuvre géniale du général de Gaulle. Quand il était dans la difficulté, il s'en allait. D'autres disent que le général de Gaulle était âgé et finalement, il ne voulait plus reprendre les choses en main. Et il attendait que l'histoire se fasse. Ça, c'était très gaullien. Oui. Enfin, c'était risqué aussi. Ben oui, c'était risqué. Mais finalement, la difficulté pour le général de Gaulle, je crois que pendant cette période, il y a eu des divergences de perception sur les événements. Mon père était un ancien socialiste, avait été enseignant, et il comprenait le malaise étudiant. Et donc, le général, il se sentait plus épaulé parce qu'il y avait divergence de vue. Le général voulait la manière forte et Georges Pompidou voulait la manière négociée. Et donc, Georges Pompidou a fait un tandem extraordinaire avec le préfet de police, Maurice Grimaud, Maurice à l'époque. Maurice Grimaud, absolument. Et alors, Maurice Grimaud, en plus, il s'entendait très bien avec Georges Pompidou parce que c'était... Maurice Grimaud est un passionné de poésie. De gauche aussi, me semble-t-il, Maurice Grimaud. Un peu de gauche, un peu de gauche, un peu de gauche. On dit, pardon de vous couper, mais on dit qu'on doit aussi à Maurice Grimaud le fait qu'il n'y ait pas eu de mort, de répression. Oui, mais alors, justement, Maurice Grimaud est un passionné de poésie et le tandem Pompidou-Grimaud a parfaitement fonctionné parce que le général de Gaulle voulait qu'on tire en l'air et éventuellement même qu'on envoie quelques balles et chez les manifestants, sans les atteindre, bien évidemment. Les forces de police étaient totalement débordées parce qu'effectivement, c'était l'époque des transistors. Donc, on savait où se trouvaient les CRS et les forces de police, et les manifestants les prenaient à rebrousse-poil, au point que, sur Europe numéro 1, Georges Pompidou a appelé M. Flouara en lui disant « Si vous continuez à donner la position des policiers, je vous coupe le câble. » Bon, on pouvait encore couper le câble à l'époque. Bien. Moyennant quoi, il y avait une, disons, une incompréhension du général sur les événements, le fait que il ne sentait pas qu'il pouvait s'appuyer sur Georges Pompidou, le fait que le tandem Pompidou Grimaud faisait en sorte et a fait en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Il n'y a pas eu de mort liée aux interventions ni de la police, ni des CRS, ni de la gendarmerie. Il y a eu deux. Un mort par accident, notamment. Il y a eu un mort, il y a eu deux morts. Deux par morts, accident. Total par accident. Deux morts par accident. Un à Flin qui s'est jeté dans, qui a été poussé dans la Seine par un autre étudiant et un autre à Jussieu qui a été poussé d'un toit. Alors, est-ce que, sur ce point-là, est-ce que les jeunes, les étudiants, les syndicats, considérait Georges Pompidou comme un vrai partenaire, contrairement au général de Gaulle, ou est-ce qu'ils l'ont mis, pardon, dans le même sac, celui du pouvoir et puis des conservateurs? Non, je pense que les étudiants, les syndicats, considéraient Georges Pompidou comme un partenaire potentiel, parce que Georges Pompidou avait rouvert la Sorbonne contre l'avis du général. Et donc, le fait que Georges Pompidou ait rouvert la Sorbonne, il a pensé que tout allait se dégonfler. En fait, le lendemain, la manifestation n'avait jamais été aussi violente. Donc, le général de Gaulle, se ne sentant plus épaulé, Madame de Gaulle ayant été prise à partie par des étudiants dans la rue, et le général de Gaulle avait très mal vécu le récit de Madame de Gaulle, eh bien, le général de Gaulle, comme souvent, a eu la tentation du départ. Pour lui, c'est important. Ils étaient un couple qui était très uni. Alors, cela dit, votre père écrit, mon inquiétude fut extrême. Je connaissais depuis longtemps les crises psychologiques du général et sa tentation périodique du départ. Ça veut dire que le général avait plusieurs fois laissé percer son désir de tout quitter. Il était parti en 46, il est revenu en 58, puis il était reparti. Je veux dire, effectivement, le général de Gaulle, quand la situation ne lui convenait pas, qu'il sentait pas autour de lui les appuis nécessaires, avait tendance à prendre de la distance Et donc là, il a eu la tentation du départ. Il a vraiment eu la tentation du départ, mais pas la tentation de l'abandon. Et là, certains disent que c'est une manœuvre géniale, d'autres disent que, effectivement, il n'a pas eu toute la pugnacité voulue. Je pense que le général de Gaulle ne savait pas ce qu'il allait faire. Il a atterri à Colombey avec deux hélicoptères pour retrouver d'ailleurs son fils, l'amiral, et Madame de Gaulle. Ils sont partis avec des bagages et ils sont partis vers l'Allemagne. Et il a demandé l'asile politique à Konrad Adenauer, qui lui a donné. Et puis, sur le chemin de Bonn, c'était encore la période où le Adenauer était chancelier de RFA. Était à Bonn. Sur le chemin de Bonn, tout d'un coup, le général s'est dit, non, on rebrousse chemin. Il a donné ordre de rebrousser chemin. Et il s'est dit, je vais aller à Baden-Baden, retrouver Massu, qui était le commandant des forces françaises en Allemagne. Très bien. Merci, Monsieur Pompidou. C'est saisissant de dire Monsieur Pompidou. Pourtant, on est en 2016, le temps se fige. On se retrouve, rassurez-vous, dans 3 minutes. Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Dornière qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah! Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin. Il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah! Oh yeah! Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours, il a dit bonne nuit, mon bonhomme. Il est parti danser le Tcherco Palladium. Oh yeah! Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah! Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah! Alain Pompidou, je rappelle que vous êtes le fils de Georges Pompidou. Nous en étions restés tout à l'heure, donc au départ du général de Gaulle. Donc le général de Gaulle va voir le général Massu. Et là, il se passe quoi quand il arrive? On en est où? Là, on a un témoignage. On a un témoignage qui est le témoignage du général Lalande, qui était le chef d'état-major particulier du général de Gaulle, qui avait accompagné le général et Madame de Gaulle dans l'hélicoptère. L'hélicoptère atterrit à Baden-Baden. Madame Massu est là pour accueillir Madame de Gaulle. Elle s'isole pour prendre le thé. Et le général pénètre dans le bureau du général Massu. Le général Lalande reste avec Madame de Gaulle et Madame Massu. Et au bout d'une demi-heure, le général Lalande témoigne que général Massu sort. Il est rouge, il est essoufflé, il prend une tasse de café pour se remettre. J'ai dit, je n'arrive pas à convaincre le général, mais je vais y arriver. Il rentre dans le bureau, un quart d'heure après, le général de Gaulle sort et dit, oui, nous rentrons à Paris. Appelez-moi le Premier ministre. Ah, parce que pendant ce temps, Georges Pompidou, il a toujours pas de nouvelles. Il n'avait aucune nouvelle. D'accord. Donc là, on imagine la solitude. Il savait que l'hélicoptère avait atterri à Baden-Baden. Là, on a retrouvé. Bien. Et donc, le général sort au bout de trois quarts d'heure d'entretien avec Massu, regonflé à bloc, et disant « Je rentre à Paris. Dès que j'arrive, je vais prendre la parole, non pas à la télévision, mais à la radio. » Comme pour l'appel du 18 juin. Bien sûr, forcément. Et là, il est Georges Pompidou, je recentre hein, sur oui, Georges oui, Pompidou, oui. C'est quoi là? C'est un soulagement, ah, Georges Pompidou, j'imagine. Georges Pompidou se sent soulagé, mais il se sent trahi. Parce que il considère que le général a manqué à sa confiance, et que, alors qu'il a été son collaborateur pendant 25 ans, bah, finalement, le général ne l'a pas mis dans la confidence. Alors est-ce que la tension entre les relations à partir de cet épisode-là, entre le général de Gaulle et Georges Pompidou, est due à cet épisode-là, ou est-ce qu'il est dû aussi à l'affaire Markovic et au fait que le général n'aurait pas assez soutenu Georges Pompidou? Alors, de ce jour, le général a continué à considérer, malgré le succès de la manifestation du 30 mai 68, qui a été bien organisée d'ailleurs par Focard et par le parti d'époque. Mais le général de Gaulle, au fond, était un peu jaloux du fait que Georges Pompidou avait tenu le pays, alors que lui s'était mis à l'écart. Ah oui. Et donc il était un peu jaloux, et dans les entourages, ou l'entourage du général, dans lequel il y avait effectivement beaucoup de résistants, considéraient que Georges Pompidou n'était pas du premier cercle, même s'il avait été le chef de cabinet, puis le directeur. Il n'était pas compagnon de la Libération. Il n'était pas compagnon de la Libération. Contrairement à des Chabans, des Sanguinetti et compagnie. Voilà. Et alors, à ce moment-là, ils ont influencé le général en lui disant, mais ce monsieur Pompidou, il a été à la Banque Rothschild, ce monsieur Pompidou, il est revenu, bien sûr, à votre cabinet, mais ce monsieur Pompidou, il allait à Saint-Tropez, sa femme allait à Saint-Tropez, et donc, dans tout ça, il y a forcément quelque chose. Et le général de Gaulle a dit, mais il faut que la justice passe. C'est une affaire de droit commun qui est devenue un complot politique, cette affaire Markovic, avec véritablement une ignominie par rapport à la personnalité de Claude Pompidou. Mais le général de Gaulle a dit, mais je veux que la justice passe et on ira jusqu'au bout. Et mais le général de Gaulle, jusqu'à la fin, a voulu que la vérité se fasse. Donc c'était une défiance vis-à-vis de Georges Pompidou. Et quand il a invité Claude et Georges Pompidou à dîner à l'Élysée avec les Debré, il n'a pas eu le mouvement du cœur. Ouais. Et donc Georges Pompidou et Claude Pompidou, qui ne voulaient pas que Georges Pompidou soit Premier ministre, qui ne voulaient pas que Georges Pompidou initialement devienne président, a dit « On va se venger, tu vas te présenter à la présidence de la République et on aura véritablement, on aura lavé l'opprobre ». Alors, puisque nous sommes dans la confidence, et merci pour ces confidences, Georges Pompidou délivre celle-ci que lui aurait faite le général de Gaulle. Le général lui aurait dit « Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une défaillance, je ne suis pas fier de moi ». Oui, alors, c'est vrai que le général de Gaulle lui a dit ça. L'interprétation est plus difficile. Ce qui était compliqué dans la relation entre le général de Gaulle et Georges Pompidou, c'est qu'il y avait l'affectif, et puis il y avait le sens de l'État. Alors, dans cette confidence du général de Gaulle à mon père, c'est à la fois l'affectif, je suis pas fier de moi parce que je vous ai abandonné, mais d'un autre côté, j'ai réussi à reprendre des choses en main. Et donc, c'est moi le chef. Et donc, je ne suis pas fier de moi, mais néanmoins, vous êtes mon subordonné, je suis le président de la République, et nous allons faire campagne ensemble pour un référendum, pour avoir l'avis des Français, même si vous êtes élu du Cantal, ça m'est égal, mais vous ferez campagne pour le oui au référendum. Ce que Georges Pompidou a fait, le général de Gaulle a perdu le référendum et il est parti en Irlande. Et Georges Pompidou, le successeur, a déclaré sa candidature. Voilà. Et l'affaire Markovic, qui devait en fait le déstabiliser, a été un drame pour mon père et pour ma mère, et même pour moi d'ailleurs, mais néanmoins, sur le plan historique, a peut-être apporté quelques centaines de milliers de voix à Georges Pompidou, parce que les Français n'aiment pas qu'on leur mente et qu'on fasse dans leur dos des complots, notamment en utilisant la moralité de la femme de l'ancien Premier ministre, et de façon ignoble. Alors, On va maintenant écouter une archive saisissante, parce que peut-être qu'elle a quelques résonances. Je crois que c'est Jacqueline Baudrier, la journaliste Jacqueline Baudrier, qui deviendra après d'ailleurs présidente de cette maison de Radio France, qui interviewe Georges Pompidou sur le style de président qu'il serait ou qu'il sera. Si vous êtes élu président de la République, quel genre de président serez-vous? Quel sera votre style? Le général de Gaulle s'imposait beaucoup par un simple coefficient personnel. Le nouveau président aura besoin de s'appuyer sur d'autres réalités. Pour faire de la France un pays respecté et un pays prospère, il faudra qu'il s'appuie sur une réalité économique, c'est-à-dire que la France devienne un grand pays industriel et agricole. Il faudra qu'il s'appuie sur une réalité sociale, c'est-à-dire que les rapports entre les hommes, entre les groupes sociaux, soient transformés, améliorés, humanisés, et que chacun se sente véritablement membre d'une même communauté. Pour le reste, je voudrais surtout être un président le plus près possible des hommes, et le plus semblable, si je puis dire, à tous les Français. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, il y avait un usage. Quand un général, un homme d'État, avait remporté un grand succès, on lui donnait la cérémonie du triomphe, c'est-à-dire qu'on le mettait sur un char et il montait au Capitole au milieu d'honneurs exceptionnels. Et puis il y avait quelqu'un à côté de lui qui lui disait sans cesse à l'oreille « Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. » Eh bien, je voudrais, pour ma part, comme président de la République, si je le suis, me rappeler sans cesse que je ne suis qu'un Français parmi les Français et par là même que je suis donc capable de les comprendre et de comprendre leurs problèmes et leurs soucis. Bon, eh ben c'est la présidence normale avant l'heure. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Écoutez, dans la Ça s'arrête là. Je crois qu'il y a différentes graduations dans la normalité. Il y a la normalité qu'on habille, il y a la normalité réelle, si vous le permettez. Bon, je ne ferai pas d'autres commentaires. Mais écoutez, vous répondez librement à des questions libres. Toute dernière chose quand même, quelle trace laisse Georges Pompidou dans l'histoire des présidents? Alors longtemps on a dit, oh, mais sa présidence a été courte, hein, parce qu'il y a presque 5 ans, aujourd'hui la présidence c'est 5 ans. Et je crois que d'ailleurs votre père était attaché au quinquennat, il avait lancé le débat. Bref. Quelle trace il laisse, selon vous? Moi, je crois que les Français, ils ont un souvenir de Georges Pompidou, qui est le souvenir d'un homme qui servait la France, et qui servait d'abord la France, avec son épouse, Claude, et que, quand on a interrogé un peu plus tard, alors qu'il était président de la République, Georges Pompidou, en lui disant « Mais quelle est la trace que vous laissez derrière vous ?» Georges Pompidou a dit « Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Tout ce que je souhaite, c'est que les Français se souviennent d'une période où ils ont été heureux, c'est-à-dire la période de ma présidence. » Et c'est très humain. Et c'est effectivement la nature de mon père. Mon père était un homme qui prenait en considération la dignité humaine. Mon père était un homme qui avait sauvé la tête de Jouot. Mon père était un homme qui a eu de grosses difficultés à ne pas gracier des gens qui avaient fait des actes absolument horribles. Je pense à l'affaire Buffet-Bontemps, par exemple. Et mon père était un homme qui était, au fond, profondément croyant. Et donc, il croyait dans les vertus de la nature humaine. Merci infiniment, Alain Pompidou. Je rappelle le titre de votre tout dernier livre qui va sortir. Ça s'appelle Claude, c'était ma mère, c'est chez Flammarion, et sur la couverture, eh bien, on voit cette femme élégante, parce qu'on a retenu d'elle aussi beaucoup d'élégance. Merci. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Pompidou en mai, une fiction écrite par Laurent Martin, réalisée par Sophie-Anne Picon et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne.